Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus consacré au sport dans les 80s. Je suis ce soir avec Sirf. Salut Sirf, malheur en forme ? Salut Etchar, effectivement, j'ai bien récupéré de la première mi-temps absolument dantesque que nous avons vécue et je me sens très en forme pour attaquer la deuxième mi-temps qui nous attend. D'accord, prêt pour cette reprise. Et oui, la suite, car je vous rappelle que le cadeau bonus numéro 22 était la première mi-temps du sport dans les 80s. Il était consacré au sport à la télévision. Vous pouvez toujours l'écouter sur notre site, iTunes, SoundCloud, Podcast Addict et autres. Mais alors, Yetcha, en quoi va consister cette fabuleuse deuxième mi-temps ? Et voilà justement le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné et nous allons tout de suite attaquer par les moments inoubliables et d'ailleurs le cœur du sujet avec le moment que tout le monde cite, que personne n'a oublié, qui est devenu presque un mythe dans notre pays lorsqu'on parle de sport et des années 80. Je te passe la main, Sirf. Sur le score de 6-2, 7-5, 7-6, son père, Zachary Noah, s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. Alors en effet, nous sommes le 5 juin 1983, porte d'Auteuil. Il fait chaud. Et c'était une belle journée en effet. La terre battue était chaude. Eh bien, nous voulons bien sûr aborder ensemble la finale de Roland-Garros 1983, remportée de main de maître par Yannick Saga Africa Noah. Ah, oui. En ce 5 juin 1983, où il affrontait, évidemment tout le monde s'en souvient, enfin j'espère, Mats Wilander. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand événement, en tout cas l'événement dont les Français se souviennent en particulier? C'est déjà parce que ça faisait à peu près 37 ans qu'un Français n'avait pas gagné Roland-Garros, donc depuis Marcel Bernard en 1946. Oui, quand même. Et la petite particularité, il faut savoir que notre ami Yannick jouait avec une raquette en bois, et que c'est le dernier joueur d'ailleurs à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois. Alors je sais pas, Yetcha, si t'as déjà essayé de jouer avec une raquette en bois au tennis. Eh bien oui, bien sûr, j'ai joué au tennis avec une raquette en bois. Quand j'étais petit. J'ai trouvé ça, avec le boyau, tout ça, et les raquettes en bois, je trouvais ça assez lourd. Mais bon, gagner au Roland-Garros avec ça, je trouve ça admirable. Après, la technologie. Après, tout le monde était avec des raquettes en bois, je suppose. Donc, Alors, hormis cette victoire donc en finale des Internationaux de France, comme on les appelle, en 1983, ce que les gens retiennent également, c'est l'explosion de joie donc de Yannick Noah après cette victoire contre Mats Wilander. Et surtout, le fait de sauter dans les bras de son père, Zachary. Donc Zachary Noah qui a été lui aussi sportif, donc de haut niveau. Alors petit aparté sur Zachary Noah, il a tout simplement gagné la Coupe de France de football 1961 avec Sedan. Mais malheureusement pour lui, en 61 il gagne la Coupe de France, mais en 1963 il interrompt sa carrière professionnelle. Parce que il a quand même subi une double fracture à la jambe droite, une fracture du bassin. Ah oui. Voilà. Pendant les matchs de foot. Lors d'un match de championnat. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, son club lui dit que il va rester en France pour se soigner et qu'il recommence le championnat. Et du coup, lui a préféré rentrer au Cameroun, d'où il est originaire. Et du coup, après, il a disputé deux matchs amicaux contre le Nigeria notamment, et il se recasse la jambe. Ah oui. Donc là, conjonction d'événements assez dommageables pour lui. Et du coup, là, il arrête tout simplement sa carrière. Donc comme je vous le disais, en 1963. D'accord. Donc, il faut savoir que Yannick Noah, avant de devenir tennisman, avait également fait quelques débuts dans le milieu footballistique. Mais au Tonnerre de Yaoundé, club assez connu du Cameroun. Mais tu as eu raison de préciser, Sirf, qu'il s'agissait d'un événement majeur en France. Car finalement, il y a probablement assez peu de gens dans le monde qui se souviennent de manière aussi précise et aussi forte de ce moment, quoi. Parce que c'est un vainqueur de Roland-Garros, quoi. Voilà, comme il y en a tous les ans. Oui. Donc nous, en France, on ne retient que Yannick Noah, mais bon. Je pense que c'est vraiment très typique de la France. Juste pour finir avec Yannick Noah, moi je me souviens, et tu as dû t'exposer la même chose, quand j'étais au lycée et dès qu'il faisait mauvais et qu'on n'avait pas sport ou quoi que ce soit et qu'on était envoyé en salle d'études, qu'est-ce qui passait ? En rediffusion, le prof de sport, nous on avait un prof de sport qui nous rediffusait la finale de Roland-Garros 83. Ah oui, quand même. Non, je savais pas ça. Et non. À la télé, j'ai été exposé aussi, où quand à l'époque où il y avait des interruptions de programme ou des choses comme ça, ouais. Et bah pareil, dès qu'il y avait un blanc ou un truc, ouais. Allez hop, on rediffuse la finale de Yannick Noah. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû voir à peu près au moins 5-6 fois dans toute ma vie, effectivement. Ce match. D'accord. Non, moi, quand il n'y avait pas sport au lycée, le prof de sport allait récupérer sa petite bouteille de vin qui était bien au frais dans ouais. Le distributeur de bonbons de l'école, enfin du lycée. Voilà, voilà. Dans le distributeur de bonbons ? Oui, il était planqué derrière, il avait la clé pour ouvrir le truc. Enfin, bon. D'accord, ça me rappelle prof un peu là quand bah, c'était un peu ça, oui. Franchement, okay. C'était. Bon, passons. Monsieur Fromentin, si vous m'écoutez, bien le bonjour. Et peut-être décédé d'une cirrhose du foie. Remarque, c'est possible. On n'est pas à l'abri. Donc revenons à du vrai sport. Non, alors, un des grands moments du sport mondial, de par notamment l'audimat qu'il génère, et c'est tout simplement l'événement sportif le plus regardé dans le monde, je veux parler des Jeux Olympiques. D'été, voilà. Et en 1984, on voit l'entrée au Panthéon du sport mondial de Carl Lewis. Carl Lewis, sprinter états-unien, et sauteur également, puisqu'il file sans longueur, qui voulait tout simplement en 1984 modestement égaler le record de 4 médailles d'or obtenues dans lors d'un même Jeux Olympiques, le record de Jesse Owens de 1936. Et il réussira à obtenir ces 4 médailles d'or, donc une au 100 mètres avec un temps de 9,99, au 200 mètres avec un temps de 19,80, une victoire en la longueur donc avec un saut à 8,54 et une victoire au 4x100 mètres avec un record du monde égalé avec ses camarades en 37 secondes 83. Alors par la suite, Carl Lewis, on va revenir un petit peu sur sa carrière. Alors faut quand même savoir que Carl Lewis, c'est au JO 10 médailles, 9 d'or dont une d'argent. Sur 100 mètres, 200 mètres, 4x100 mètres et au saut en longueur. King Carl avait le style pur d'un félin. De Los Angeles à Atlanta, il a ébloui la planète. On lui reprochait d'être prétentieux. On lui reconnaît aujourd'hui une grandeur unique. Et puis ces 10 médailles aux championnats du monde, 8 d'or, une d'argent, une de bronze. Et en plus, en pensant que les 3 premiers championnats du monde en athlétisme, c'était tous les 4 ans. Il y a eu 83, 87, 91. Après, ça a commencé tous les 2 ans. Mais au début, c'était tous les 4 ans. Donc, respect. Les championnats du monde d'athlétisme à cette époque-là, c'était quelque chose d'aussi précieux que les Jeux Olympiques finalement. C'est pas du tout la même discipline. Il y a d'une autre discipline comme le judo par exemple, où ils ont la même année les mondes, les Europes et puis les JO. Là, ça, les médailles tombent. En plus, ils sont 4 sur les podiums de 3, forcément, ça fait plus de médailles, évidemment, hein, parce qu'en athlétisme, c'est les Europes tous les 4 ans, les mondes, c'était tous les 4 ans, il y a encore peu de temps, et puis les JO tous les 4 ans, bon, forcément, c'est également plus difficile d'avoir des médailles. Bref, ce petit aparté cité, je veux revenir sur Carl Lewis, donc, qui voulait, en 88 à Séoul, renouveler son exploit. Il échouera malheureusement dans sa quête voilà, de ses 4 médailles d'or. Il en aura que, entre guillemets, 2, donc au 100 mètres et en longueur. Il sera deuxième au 200 mètres et il sera disqualifié avec ses camarades au 4x100 mètres. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que son dossard portait le numéro 1102, c'est-à-dire 1-1-0-2. Et en fait, voilà, 2 médailles d'or, 1-1-0, une disqualification, et deuxième au 200 mètres. C'est une petite, jolie. Petite remarque qui est assez rigolote. Et bon, Carl Lewis, pour en terminer sur sa carrière, enfin, si on peut en terminer, c'est quand même 65 victoires consécutives en longueur, de mars 81 à août 1991. C'est l'actuel détenteur du record du monde de saut en longueur en salle, avec 8,79 en 1984. Il a battu 11 records du monde, entre le 100 mètres, le 4x100 mètres et la longueur. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et dernière chose à spécifier, c'est qu'il a eu 4 médailles d'or à 4 Jeux Olympiques dans la même discipline. C'est-à-dire qu'il a été médaille d'or au saut en longueur en 84, en 88, en 92 et en 96. Et seul Al Werther au disque, dans les années 50 et 60, a réussi à réaliser cet exploit de conserver son titre 4 fois de suite. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc voilà, Carl Lewis, c'est vraiment... Autant dire que si quelqu'un qui avait un niveau plus que correct en longueur entre 81 et 91, autant dire qu'il était un peu dégoûté parce que de toute manière, il n'aurait jamais rien gagné, quoi. Ah bah oui, et il y en a eu qui étaient de très bons sauteurs, qui sont approchés de lui, mais Carl Lewis, ils étaient tellement au-dessus du lot. Intouchable. Intouchable, jusqu'à ce fabuleux concours de 1991 à Tokyo, championnat du monde contre... Marie-Josée Pérec. Non, je déconne. Contre Mike Powell, j'attendais que tu le cites, mais non. Contre Mike Powell, c'est le mec qui est dans Piège. Ah non, c'est Al Powell. Je comprends. Excusez-moi. Ça, c'est Piège Cristal. Hein. Voilà. Donc, Mike Powell qui a battu le record du monde et a battu Carl Lewis pour cette quête du record du monde, le fameux record du monde de Bob Beamon, qui était toujours de 8,90, et Powell qui fait 8,95 au cinquième. Enfin bon, c'était un concours exceptionnel. Il n'y a jamais eu de concours. C'est sûrement le plus beau concours de saut en longueur de toute l'existence des concours de saut en longueur. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un grand, grand, grand moment et un grand sportif. Merci Yetcha pour ce palmarès plus que fourni de notre ami Carl Lewis. Alors, ce qui est remarquable avec ce genre d'événement, c'est que chacun y associe des instants de vie. On se souvient souvent, alors comme moi je le disais tout à l'heure pour Noah, de ce qu'on faisait le jour où ça s'est passé. Et on a parfois même encore des sensations de ce que l'on a ressenti à l'instant T. Donc pour le prochain moment inoubliable des années 80, nous sommes le 23 juillet 1989. Ah. Versailles, commune française située dans le département des Yvelines, dans la région Île-de-France, mondialement connue pour son château ainsi que son parc, site classé sous l'égide de l'UNESCO dans la liste du patrimoine de l'humanité, départ d'un contre-la-montre de 24 km 500, donc entre Versailles et Paris. Je veux bien sûr parler de la dernière étape du Tour de France 1989. Un contre-la-montre en dernière étape. C'est étonnant, ça s'est déjà arrivé. Moi, je connais pas grand-chose en cyclisme. Alors, écoute, figure-toi que je pensais que ça n'était jamais arrivé, mais en creusant un petit peu dans les recherches, il y a déjà eu un précédent, à savoir en 1968. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est quand même rare. Voilà. Pourquoi parler de cette dernière étape du Tour de France 89 ? Bonne question. Tout simplement parce que Laurent Fignon, donc cycliste français qu'on peut qualifier de alors meilleur cycliste français, peut-être pas en termes de palmarès, mais on va dire que ça a été le chouchou des Français pendant un bon moment, donc se présente avec 50 secondes d'avance sur toi qui parlais des mondes tout à l'heure, donc Greg LeMond lui-même, donc Greg LeMond, puisqu'on dit plutôt LeMond, donc 50 secondes au départ de Paris sur un contre-la-montre de 24,5 km. C'est jouable. C'est plus que jouable, surtout que il faut pas qu'il concède plus de 2 secondes par kilomètre. Mais malheureusement, et ça, l'histoire finalement ne retient que ça, c'est que notre ami Laurent Fignon, donc comme le veut la tradition, le premier du classement général s'élance donc en dernier du contre-la-montre. Et donc Greg LeMond part en deuxième avec un guidon de triathlète et des roues lenticulaires. Et donc qui lui donne un côté un peu plus profilé vis-à-vis de Laurent Fignon qui lui s'élance sur un vélo plus traditionnel et puis ses cheveux longs qui l'ont peut-être un peu ralenti, les lunettes, tout ça. On ne sait pas, peut-être que... Mais bon, ce qui l'a surtout handicapé énormément, c'est, comme on le disait dans la pub, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il avait de grosses douleurs dues à une irritation, donc due à l'échauffement par frottement entre la selle et son cuissard. Aïe. Voilà. On a mal pour lui, là. Ça brûle dans le slip, là. On serait en odorama, je te mettrais un petit peu d'odeur de mitosil. Comment j'ai eu peur. Cette fabuleuse pommade. Mais bon, on a vite compris que notre ami Laurent Fignon perdait souffrait et tout à fait. Et s'est présenté sur les Champs-Élysées, qui est donc bien sûr le lieu d'arrivée du Tour de France chaque année, oui. Avec un retard assez conséquent. Donc il a essayé de refaire son retard sur les 300 derniers mètres, mais il arrive sur la ligne d'arrivée et il perd de 8 secondes. Alors pas de 8 secondes, puisque tout le monde ne retient que ces fameuses 8 secondes du Tour de France 89, mais en fait de 9 secondes. Parce que il faut savoir que même si Laurent Fignon est arrivé dans le même temps que Greg LeMond aurait gagné. Ah bon ? Donc il lui fallait 9 secondes, puisque c'est le vainqueur de la dernière étape qui aurait été sacré champion. Voilà. Ah, d'accord. Dans 20 secondes, il a perdu le tour, Laurent Fignon, s'il n'est pas là. Attention, il reste maintenant, 15. Dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes, 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France dans la dernière étape. Jamais de ma vie, je n'oublierai ce moment. Incroyable. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées. Donc voilà, l'histoire retient cette histoire de 8 secondes. On revoit Laurent Fignon s'effondrer après la ligne d'arrivée et Greg LeMond à prendre sa victoire, donc quelque part en n'étant même pas sur le vélo. Moi, ce qui m'embête avec cette histoire, au-delà du fait que c'était un Français qui allait gagner et qui devait gagner le Tour de France 89, puisqu'il y a quand même eu des coups d'éclat assez sympathiques jusqu'à cette fabuleuse dernière étape, enfin fabuleuse surtout pour Greg LeMond, oui. Notamment des belles échappées de montagne de Laurent Fignon. C'est vrai que sur la longueur, il aurait été logique que Laurent Fignon gagne. Mais bah, malheureusement, voilà, l'histoire ne retient que cette défaite. Mais du coup, c'est un événement qu'on retient pas pour une victoire d'un Français, mais pour bah, voilà, le côté, la dramaturgie qui a eu lieu sous nos yeux en ce 23 juillet 1989. Eh bien, j'ajouterai une petite anecdote. Tu vois, je connaissais à l'époque, parce que j'ai complètement perdu contact, je connaissais un des vainqueurs d'étape de ce Tour de France 1989. Oula. Et une étape importante, puisque c'était celle du 14 juillet 1989, donc joli, le jour du bicentenaire de la Révolution, c'était Vincent Barthaud. D'accord. Qui était en fait de Caen et qui avait été licencié dans le club d'athlétisme que je fréquentais. Voilà, et donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer, voilà. Enfin, bon, voilà, une petite anecdote. Alors, ça aussi, ça fait partie de la tradition du Tour de France, la fameuse étape du 14 juillet. Ben oui. Puisque, bon, alors après, donc pour en finir avec Laurent Fignon, après ce Tour de France perdu en 1989, malheureusement, ce sera, alors j'allais dire sa dernière grande victoire, mais non, puisqu'il a perdu. Mais en gros, il n'aura jamais l'occasion de rebondir à nouveau et de gagner à nouveau une grande compétition. Il n'a jamais, du coup, gagné le Tour de France. Si, il l'a gagné, mais précédemment. Ah bon. Non, précédemment, il a gagné voilà, les années précédentes, mais cette année-là, il avait gagné le Tour d'Italie. Mm-hmm. Et il était très très fort, il dominait le peloton de la tête et des épaules sous la houlette de Cyril Guimard qui fut son entraîneur pendant pas mal d'années. Et bon, bah c'est vrai que du coup après, hormis des coups d'éclat sur une ou deux étapes, il n'y a jamais plus eu de domination comme il avait pu le faire en cette année 1989. Mmh. Voilà. Eh bien oui, que de souvenirs, mon cher Sirf. C'est vrai que c'était un tour qui nous a tous marqués par son côté un peu décevant quelque part. Pour ma part, je vais rester encore dans l'athlétisme avec une bombe de l'été 88. Alors, c'est pareil, c'est... Argisé Pérec ? Non. Non, toujours pas. On y viendra peut-être. Mais c'est un peu plus tard, normalement, c'est en 90. Donc... Non, une bombe de l'été 88 qui finalement, vous voyez de qui je veux parler. Donc, c'est 88 à Séoul, je veux parler de Ben Johnson. And it's a fair start. And it's Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No, it's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Alors bien sûr, elle a été convaincue de dopage, etc. Mais ça a été un tel traumatisme, un tel cataclysme, déjà de sa victoire, face, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure, face à Carl Lewis, qui voulait refaire les 4 médailles d'or de 84. Et là, Ben Johnson le bat en battant le record du monde, en faisant 9,79, qui était son propre record du monde, était établi juste avant en 9,83, en 87 à Rome, l'année précédente. Et là, sur les photos de l'arrivée de Ben Johnson qui bombe le torse et lève le doigt en l'air, on voit derrière Carl Lewis avec un visage complètement abattu, quoi, qui ouais, déconfit, voilà, et qui relâche même les derniers mètres parce qu'il voit que, ben voilà, il voit qu'il est battu et il fait un temps quand même de 9,92 qui sera plus tard un nouveau record du monde une fois que Ben Johnson aura été convaincu de dopage et destitué. Et c'est vrai que c'était une victoire et un moment vraiment incroyable. Donc trois jours après sa victoire, il se fait choper. Hein. Donc il a été reconnu coupable de dopage au stanozol, donc un stéroïde anabolisant. Et donc le record sera invalidé. La suite de sa vie a été plutôt une descente aux enfers. Hein. Il a été donc suspendu 2 ans. Il a eu un retour à compétition en 91. Il a été de nouveau reconnu positif en 93. Il est suspendu à vie par le ministre des Sports canadien, Pierre Cardieux, qui lui recommanda d'ailleurs de rentrer sur son île, parce qu'il est né en Jamaïque. Mm-hmm. Alors, il a toujours affirmé avoir été victime d'un coup monté par le clan Lewis au JO de Séoul. En 94, il entraînera brièvement Maradona. En 99, c'est même Muammar Kadhafi qui l'engage pour être préparateur physique de son fils, qui jouera 15 minutes dans le club italien de football de Pérouse. Alors, je connais pas, mais bon, voilà. Et le comble de cette décadence, il se fera même voler sa valise qui contenait sa paye de préparateur physique à Rome. C'est quand même assez surprenant. C'est même étonnant qu'il n'ait pas réussi à rattraper le voleur. Parce que bon, il devait quand même courir assez vite, même sans stanozol. Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez triste. Mais ça a été un moment très très fort. Tout ce qui s'est passé ces jours-là, la défaite de Lewis et puis ensuite la chute de Johnson. Alors aujourd'hui, on peut quand même citer que le record de 9,79, il a été explosé. Hein, il a été battu à plusieurs reprises que par des gens qui ont été convaincus de dopage, hein, plusieurs années après. Sauf un. Usain Bolt, qui est actuellement détenteur du record du monde sur le 100 mètres. Donc lui, il est propre. Hein. Tous les autres, ils sont dopés, mais lui, il n'y a aucun problème. Ou alors, il prend des trucs que les autres... Il n'y a aucun problème, il est propre. Hein. On y croit dur comme fer. Bon, ça, c'est un autre problème encore. Nous ne sommes pas là pour... Voilà. Cela ne nous regarde pas. Victoire à la française. Et voilà. Ok. Bon, bah écoute, Yetcha, merci pour ce Terra de Johnson. Après Rika Lewis, Terra de Johnson, tu nous régales au niveau publicitaire des années 80. fin. Absolument. Donc, nous sommes le 21 juin 1986 pour le prochain moment inoubliable à Guadalajara. Ah. Alors, voilà. Même moi, ça me dit quelque chose. Belle journée, là, également. Gros soleil. Et nous sommes donc à Guadalajara pour un quart de finale de Coupe du Monde de la FIFA 1986 entre la France et le Brésil. Voilà. Donc Coupe du Monde au Mexique. Je vais revenir un peu sur le match. On peut qualifier ce match de plus beau match de tous les temps, puisque on avait sur le terrain l'équipe du Brésil qui, à l'époque, était tout simplement celle qui pratiquait, je pense, le plus beau jeu, le jeu le plus gracieux de tout le plateau footballistique, ouais. Face à l'équipe de France, qui, là aussi, regroupait des joueurs de légende et de qualité, notamment le fabuleux carré magique Tigana Gires Platini Fernandez. Donc, lors de ce match, pour vous refaire la chronologie, la France est menée au score. À la 17e minute, but de Carreca. Et là, on se dit, ouïouïouï, ouïouïouï, ouais. Ça va être difficile. 17e, c'est tôt. Puisque sur le papier, alors oui, la France avait battu l'Italie en 8e de finale, assez tranquillement, 2-0. Et on arrive donc, parce qu'il faut quand même voir le parcours, tu enchaînes l'Italie qui, pareil, n'était pas non plus la plus mauvaise des équipes de l'époque. Après, tu affrontes le Brésil. Et dans la perspective d'affronter l'Allemagne en demi-finale. Donc si tu veux être champion du monde, effectivement, ça promet un parcours assez relevé. Oui. Donc ce match mené au score à la 17e minute, on se dit que ça va être compliqué. Il y a même une balle de 2-0 pour le Brésil. Et puis Platini qui jouait blessé. Ah bon ? Il traînait une blessure depuis le match contre l'Italie. D'accord. Et là, un but qui n'est certes pas le plus beau qu'il ait marqué dans sa carrière. Suite à un centre, Yannick Stopira, donc l'attaquant français titulaire pour ce match, vient tout simplement tenter une tête plongeante et s'écrase dans le gardien brésilien. À voir, c'est peu orthodoxe comme truc. Donc du coup, le gardien mis au sol est tout simplement occupé, on va dire. Et du coup, au deuxième poteau, Platini n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du plat du pied et a donc égalisé. Et ça faisait pas une faute. Alors voilà, c'est ce que la légende aussi, au-delà du match, ça, on s'est demandé. Le gardien brésilien, lui, il levait les bras pour dire « Ah, mais j'ai été gêné par Yannick Stopira et donc il faut invalider ce but ». L'histoire retiendra que le but a été accepté, que la France a égalisé et qu'il n'y aura pas d'autre but marqué pendant le temps réglementaire. D'accord. Un pénalty raté pour le Brésil, notamment. Et le tout nous amène à une séance de tirs au but, puisque, donc, comme je viens de le dire, aucun but ne sera marqué entre ces deux équipes. Et là, effectivement, la séance de tirs au but reste mythique pour le football français, puisque au niveau des tireurs, on a notamment... Donc Yannick Stopira qui marque son pénalty, on a Manuel Amoros, on a Bruno Bellone qui marque pour la France, et dernier pénalty victorieux marqué par Luis Fernandez, mon petit bonhomme, vas-y mon petit Luis, tout ça sur le commentaire, pareil qu'on entend à chaque fois qu'on se repasse des extraits de ce match. Regardez, Bach sort ses balles, le pénalty de Zico est manqué et Carreca la sort. Voilà la sortie. Égalité maintenant. Égalité parfaite. Égalité. Michel Platini a raté son pénalty. Il remet les équipes à égalité. Il a tenté en force Michel Platini. Il y a non plus. Ce désavantage d'avoir manqué le premier, ils sont revenus. Donc effectivement, la chose à retenir, c'est que il y a deux joueurs de légende qui étaient... Les joueurs de légende de ce match, même moi je les connais, Platini et Zico. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise cette séance de tir au but ? Eh bien, que les deux vont rater. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, les deux vont tirer. Alors, Platini va tirer au-dessus de la barre. Et il confessera assez récemment qu'en fait, il voulait tirer à terre. Ah. Moi, ça me paraît assez bizarre qu'un joueur de légende comme Platini, en voulant tirer à ras de terre, mettre ça à peu près un mètre au-dessus de la barre transversale. Peut-être que, comme il était blessé, il a peut-être modifié son... Enfin, bon. Je ne sais pas. Mais il est vrai que, bon, après, j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est très souvent les joueurs, on va dire, de légende et les meilleurs ratent régulièrement leur penalty lors de séances un peu décisives. Donc, c'est, finalement, c'était un peu une finale. Parce que si on demande aux gens, ah oui, ce France-Brésil, les gens se souviennent qu'on n'a pas gagné cette Coupe du Monde-là, mais quelque part, on l'a un peu gagné puisque c'était notre finale. Puisque après, on affrontera, enfin, l'équipe de France affrontera l'Allemagne en demi-finale et perdra absolument sans gloire 2-0 contre la Mannschaft. Oui. Ils joueront le match pour la troisième place contre la Belgique, qu'ils remporteront avec une équipe donc de coiffeurs, comme on les appelle, donc les pseudo-remplaçants voilà, de l'équipe de France. Mais, parce qu'il n'y avait pas les joueurs principaux en fait, qui ont joué ce match. Non, traditionnellement, le match pour la troisième place, quand tu le disputes, tu essayes de faire jouer un peu les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. D'accord. Puisque de toute manière, j'ai envie de dire qu'au final, même si tu le perds, tu finis quatrième. Ouais. Ok, on a coutume de dire que c'est un peu la place du 1. Du couillon. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il y avait quand même eu un turnover assez conséquent. D'accord. Sur le match contre la Belgique. Là n'est pas coutume, je vais confesser un petit peu une anecdote un peu honteuse. De toute façon, pour toi, les anecdotes sur le football sont toujours honteuses. je le sais bien. Donc, puisque tout à l'heure, j'ai cité assez facilement Platini et Zico. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, j'ai vu le match en entier. C'est le seul match de foot que j'ai vu en entier de ma vie. Ah non, à la télé. Et, oui, à la télé, parce que j'en ai vu. Et puis t'en as vu un en j'en vrai. J'en ai vu un en vrai, c'est vrai, oui, exactement. Mais à la télé, oui, c'est le seul match. Donc j'ai vu deux matchs de foot en entier dans ma vie. Celui-ci en fait partie. Et j'en ai un très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé ce match. Il y avait une grande émotion. J'ai adoré aussi parce qu'il y a eu les tirs au but. Et c'est vrai que les tirs au but, moi, je trouve ça toujours sympa. Ça me fait toujours rigoler de jouer ça un petit peu à pile ou face. Et puis j'ai eu l'album Panini de Mexico 86. Enfin voilà, pour moi, c'était un très grand souvenir. C'est mon seul vrai grand souvenir de football. Finalement. Bon, il y a pire. C'est autant que t'en restes là, effectivement. Alors, nous allons remonter au 13 juillet 1985, au stade Jean Bouin, à Paris, puisque nous allons aller voir le troisième et dernier essai d'un jeune sauteur soviétique, Sergei Bubka, qui franchira, à l'occasion de ce troisième et dernier essai, la mythique barre des 6 mètres pour la première fois dans l'histoire de ce sport. Alors, revenons un peu en arrière. Le 31 août 84, lors du Golden Gala de Rome, le soviétique a été dépossédé de son record du monde par Thierry Vigneron, qui a été médaillé de bronze. Le fameux, hein, voilà, qui a été médaillé de bronze au JO de Los Angeles. Et donc, il parvient à passer 5,91. Et Bubka reprend son bien lors du saut suivant en franchissant 5,94 après avoir fait l'impasse à 91. Donc, Thierry Vigneron a été recordman du monde à peu près 5 à 10 minutes avant que Bubka reprenne son bien. Exactement. Début 85, le soviétique a remporté les Jeux mondiaux en salle devant Vigneron. Il s'impose ensuite au championnat d'Europe en salle aussi à Athènes, devant un compatriote à lui. Et donc, le 13 juillet 85, pour ce meeting à Jean Bouin, Bubka accepte un peu au dernier moment de participer donc au meeting BNP de Paris. Il se laisse convaincre par l'organisateur Raymond Laure, qui lui propose la somme en fait de 10 000 dollars en cas de nouveau record du monde battu. Alors, il fait une entrée de concours à 5,70, ce qui a été d'ailleurs un peu la norme de ce qu'il a fait plus tard. Il était assez fréquent qu'il commence ses concours à 5,70. Première barre, généralement franchie facilement. Après, s'il y avait encore du monde, il en faisait une petite à 5,10. Et puis, généralement, il n'y avait plus personne. Il tentait le record du monde. Son record plus 1 mètre pour avoir un record du monde et de monnayer un petit peu tout ça, quoi. Et alors, le soviétique a réussi donc au troisième essai à franchir les 6 mètres sous les yeux de 8000 spectateurs, ce qui est quand même très faible pour une telle performance. Et ça a été pendant longtemps le seul à franchir ces 6 mètres. Bubka, pour résumer, c'est quand même quelqu'un qui a été 6 fois champion du monde consécutivement. Donc, rappelons que les championnats du monde d'athlétisme, au début, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était tous les 4 ans. Donc, il y a eu 83. Ça a commencé en 83. Hein. C'est les premiers championnats du monde d'athlétisme. C'est quand même 1983. Hein. C'est très tardif. Hein. Ensuite, donc, 87, 91, et en fait, 93, 95. Et il a été 6 fois champion du monde. Il a été une fois champion olympique. Ça a été très dur pour lui, parce qu'il a réussi à gagner qu'une fois au JO, en 88, à Séoul. Il a eu 46 sauts à plus de 6 mètres en 44 concours, 35 records du monde battus, 17 fois en extérieur et 18 fois en indoor. Donc, rien à dire. Hein, c'est un grand monsieur de la perche. Absolument. Aujourd'hui, ça reste le meilleur perchiste de tous les temps par rapport à son palmarès et à ce qu'il a fait comme performance. L'inaccessible avec lui était devenu fatal. Aujourd'hui, c'est fait. Sergueï Bubka est seul sur le toit des stades. Avez-vous conscience d'avoir accompli l'un des plus grands exploits athlétiques de tous les temps ? Non, je considère ça comme une simple étape que je me fixais. Ce n'est pas si fantastique que ça. Déjà, l'an dernier, j'y pensais et j'aurais pu les réussir. Je ne suis pas étonné, mais je vois maintenant les choses d'un autre œil. Alors, il y a un Français, bien sûr, que les gens doivent connaître, hein, Renaud Lavillenie, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire l'année dernière en battant le record du monde en salle de Sergueï Boubka. En plus, c'était dans le fief de Sergueï Boubka, sous les yeux de Sergueï Boubka. Enfin, c'était une performance absolument exceptionnelle qu'il a réussi là, Lavillenie. Et bon, bah maintenant, on attend de lui qu'il batte le record en extérieur, hein, le record du monde de la perche dehors. Donc, espérons qu'il réussisse prochainement. Voilà. En tout cas, la perche, c'est vrai que c'est un sport qui a été beaucoup, beaucoup révolutionné par ce Sergueï Boubka. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Alors, autre moment inoubliable, alors j'ai un peu triché parce qu'effectivement on est plus dans le début des années 90, mais on ne pouvait pas ne pas parler, on avait déjà parlé un peu de NBA lors de notre première mi-temps. Oui, avec Canal+. Et notre ami George Haley, voilà, mais je voulais quand même évoquer le cas de mon idole NBA, à savoir Charles Barkley. Ah. Charles Barkley, dont la carrière a commencé en 1984 et s'est étendue jusqu'en 2000. Grosse carrière, quand même, ça fait long, ça. 16 ans, c'est pas mal, non? Ou c'est... Alors après, 84, c'était, il était à Auburn, donc à l'université d'Auburn. Et bah, sa carrière a été jalonnée donc, de moments assez compliqués au départ. Il a joué à Philadelphie, notamment. Et vraiment, le pic de sa carrière, c'est le début des années 90, avec une participation au JO de Barcelone en 92. Donc avec la fameuse première Dream Team, voilà, et la finale donc du championnat NBA contre les Chicago Bulls de Michael Jordan. There comes a point in the crucible of competition where records and reputation mean nothing. The Phoenix Suns have stepped onto that stage. Welcome to the NBA Finals. They played to the best regular season record in the league, 62 wins, home court advantage throughout the playoffs. Two nights ago in Game 1, the Suns discovered what it means to play for the championship. Angered, flustered, seemingly overwhelmed by the moment. We're just glad Game 1 is over. And now we can get on to playing basketball. Game one may be gone, but the Chicago Bulls remain, brimming with resolve, one step closer to the historic three-peat, anxious to make Phoenix face this cold reality. No team has ever lost the first two games at home and come back to win the NBA championship. Is the NBA on NBC. The 1993 NBA Finals. Pitched it back out. Cartwright able to get back to it. Goes down. Johnson with the steal. Three on one. Morning from Barkley. Counts the foul. Ces matchs, je me levais la nuit pour les regarder, puisque les Suns de Phoenix étaient une équipe que j'adorais, notamment parce que Charles Barkley était un peu le joueur emblématique de ce club. Et il y a un match de cette finale que l'histoire retiendra, c'est le match 6. Oui, Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps au niveau de la NBA, mais l'équipe des Suns de Phoenix, qui a été, on va dire, opposée aux Bulls de Chicago, a vraiment, vraiment posé de nombreux problèmes, notamment grâce à la puissance du postérieur de Charles Barkley, qui misait beaucoup sur, donc, je m'appuie avec mon fessier sur l'adversaire, je le fais reculer, je me retourne et je shoot. Il avait comme surnom le Round Mound of Rebound. Il était donc très, très fort au rebond, avec donc des stats assez énormes, notamment meilleur rebondeur de la NBA en 86-87. Voilà. Il a participé 11 fois au All-Star Game et il fait partie des 5 joueurs dans l'histoire de la NBA NBA qui ont eu 20 000 points, 10 000 rebonds, 4 000 passes décisives. Donc avec des inconnus comme Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett et Wilt Chamberlain. Oui, des noms inconnus en effet. Donc ce qui était plaisant avec Charles Barkley, c'est aussi son côté un peu chambreur et un petit peu donc ce qu'on appelle du trash talking, où il avait tendance un peu à en rajouter et un peu comme ça se fait beaucoup en boxe notamment, avant les matchs, en conférence de presse, il aimait bien un peu trash talker. Ce qui fait que bien sûr, une fois sa carrière terminée, alors il faut savoir sa carrière s'est un peu terminée en eau de boudin puisqu'il a eu des gros soucis avec ses disques. Donc pas en athlétisme, hein, au niveau de ses disques, donc du dos. Oui, ses disques quoi. Ah oui, voilà. D'accord. Voilà. Disque intervertébro. Voilà, je reconnais bien là le spécialiste. Et donc, bah, en basket, c'est un petit peu gênant, puisqu'il y a quand même pas mal de sauts et d'impulsions, et donc ça fait beaucoup travailler cette partie du corps. Donc il est obligé de mettre un terme à sa carrière, puisqu'il enchaînait vraiment beaucoup les blessures sur ses dernières saisons. Mais il s'est reconverti en tant que journaliste, puisque, comme je le disais, il était très bon en termes d'humour et de moquerie sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on lui a trouvé très rapidement un poste de commentateur, avec une petite anecdote sur... alors. Yao Ming, je ne sais pas si tu connais Yecha, qui oui, est oui, le chinois qui arrivait à chaque fois numéro 1 dans les votes pour le All-Star Game, puisque bah, avec quelques milliards de Chinois votant, forcément c'était plus facile. Bref, donc ce qu'il a fait, donc Charles Barkley, bah, il était persuadé que ce joueur ne valait rien. Ah, il s'est planté. Et qu'il a dit qu'il embrasserait le postérieur de Kenny Smith si Yao Ming marquait plus de 20 points dans un match cette saison. D'accord. Et trois jours après, Yao Ming réalise cette performance. Ce qui a conduit au fait que Charles Barkley embrasse le postérieur, non pas de Kenny Smith, mais d'un âne, lors de la mi-temps d'un match de NBA. Voilà. D'accord, carrément. Ah oui, je ne me rappelle pas du tout. Enfin, je n'ai pas suivi ça du tout, mais... Voilà. Ils ont amené un âne sur... Bah oui, il y avait un âne, et donc il a embrassé... Sur le parquet et tout ça. Le postérieur de l'âne. Voilà. Et sachant que, donc, pour en terminer avec tout cela, il est entré au Hall of Fame de la National Basketball Association en avril 2006. D'accord. Donc, c'est vrai que bah, moi, je retiens vraiment cette finale en 93 contre les Bulls de Chicago, que du coup, je détestais profondément puisqu'ils avaient battu mon équipe fétiche. Ah, oui. Mais avec le recul, je dois quand même reconnaître que Michael Jordan, c'est quand même pas n'importe quoi en termes de basket NBA. Voilà. C'est sûr. J'ai bien aimé aussi la NBA. J'ai suivi un petit peu à fin des années 80, début 90. Moi, j'étais toujours fasciné par les tireurs à 3 points. C'est toujours quand je... D'ailleurs, quand je jouais à des jeux vidéo et qu'on pouvait choisir un petit peu ces, tu prenais ces joueurs, j'avais tendance à oui, soit prendre ce poste, soit choisir en fait faire mes équipes qu'avec des tireurs. Enfin, bon, c'était un peu bizarre. Mais bon, des mecs comme Larry Bird, Dimpleff Schrempf, Chris Mullin, Jeff Von Hartchek, d'ailleurs Dan Marley, qui oui. Très gros acteur de la finale de 93, donc qui joue au Phoenix. Ah bah, Dan Marley, voilà. Il y a encore John Stockton, Steve Kerr, Reggie Miller. Enfin, plein de mecs comme ça, moi j'adore. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est étonnant, mais les tireurs à trois points, c'est souvent des blancs. Oui, tu as raison. Alors, c'est pas le meilleur. Reggie Miller n'était pas trop blanc. Mais non, oui, Reggie Miller n'était pas trop blanc. Et d'ailleurs, le meilleur shooter à trois points, pour l'instant, c'est Ray Allen, qui est black aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de blancs dans les tireurs à trois points. C'est marrant. Enfin, bon, voilà, c'est juste une remarque. Mais en tout cas, ces gars-là m'ont toujours épaté parce que mettre des paniers à plus de 7m23, là, enfin, c'est... et puis ça plante. Moi, ça m'a toujours épaté. Un autre truc qui était sympa en NBA, quand on regardait ça sur Canal, c'était le fameux Slam Dunk Contest, donc le concours de dunk qui a commencé en 1984. Là, on est vraiment bien dans les 80s. Et la date que je retiens, c'est 1986, avec pour vainqueur Spud Webb. Alors, est-ce que tu connais Spud Webb? Tu te rappelles de lui ou pas, Sirf? Bah, c'est un joueur tout petit. Voilà, c'est un joueur tout petit. Spud Webb, 1m68. C'est pas Moxie Bugs. C'est pas Moxie Bugs, qui est encore plus petit. Il y a eu Moxie Bugs avec Zo Mourning au Charlotte Hornet. Voilà, lui, il est autour d'1m50, je crois, Moxie Bugs. Mais par contre, il dunk pas, quoi. Non. Spud Webb, 1m68. Bon, c'est quand même pas très grand. Et lui, il dunk, ce qui est quand même balèze. Et donc, il a gagné en 86 face à Dominique Wilkins, donc 2m03, qui était en plus le précédent vainqueur, donc en 85. Et là, incroyable, quoi. Et là, Spud Webb, 1m68, qui gagne le concours de dunk, c'était vraiment énorme, quoi. Ah oui, bah, de toute manière, donc le All-Star Weekend, où donc on se retrouve avec donc les stars de l'Est contre les stars de l'Ouest, donc des deux conférences, avec ce concours de dunk et le match des rookies, c'était les trois gros événements de ce All-Star Weekend. C'est vrai que notamment cette année, il y a eu un concours de dunk absolument exceptionnel. Donc c'est vrai que l'ingéniosité des personnes qui participent à ce concours de dunk, moi ça m'épate toujours, parce que entre je te prends le ballon dans les mains de la mascotte, je passe par-dessus, je claque le dunk, enfin ouais, c'est un vrai show. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très impressionnant. C'est sûr. Et en 87 et 88, ça va être l'arrivée, en fait, et les victoires de Michael Jordan, qui commence là un ensemble de plusieurs années absolument fantastiques, quoi, pour la suite. Avec sa fameuse langue tirée quand il shoot. Ouais. Non, c'est vrai que je me suis toujours demandé, moi, comme je suis fan d'athlétisme, vous le savez. Si c'était mordu la langue, je ne sais. Non, je me suis toujours demandé combien Michael Jordan pouvait sauter en longueur, en fait. Je pense que c'est un gars qui devait être capable de faire autour de 7 mètres 58 mètres sans trop de difficultés, quoi, vu la détente qu'il avait. Bon, on ne le saura jamais, mais c'était parfois quand même impressionnant. Ces dunks qu'il faisait en partant de la tête de raquette, là. C'est ça. Il arrivait limite incroyable, à se manier dans le panneau. Ouais, voilà, c'est fou, quoi. Alors, on va revenir sur les courts de tennis pour un match et surtout une fin de match, le 5 juin 1989, qui a littéralement marqué le monde entier, là, cette fois, le monde entier s'en souvient. Rien que ça. Alors, c'est pas une finale. Contrairement à ce que tout le monde se retient, effectivement. Exact. Tout le monde retient que c'est une... Enfin, on a l'impression que c'est une finale. L'inconscient collectif retiendra qu'effectivement, c'est voilà. une finale. Mais c'est juste un huitième de finale avec Michael Chang face à Ivan Lendl, donc à Roland-Garros. Un match absolument... incroyable et avec un final extraordinaire dont on se souvient tous, dont on va écouter quelques extraits. Extraits. Oh, c'est la cuillère. Et il fait le point. Oh, extraordinaire. C'est un jour exceptionnel pour Michael Chang. Avec comment il s'en prend la tête à deux mains. Mais vraiment, il y a quoi. Oh là là. Alors là, regardez, le service à la cuillère en place. Regardez la position de Chang, c'est-à-dire il est sur la ligne de service. Sur la ligne de service. Il provoque. Il cherche la double faute. Et Lendl proteste. Non, il demande un premier service. Et M. Hink ne le lui accordera pas, il n'y a aucune raison. Mesdames et messieurs, regardez Chang. Là, il est devant maître dans le court. Et voilà, il a gagné. Michael Chang qui s'écroule sur le court. Il a provoqué Ivan Lendl et ça a marché. Il l'emporte en 5-7. Il est fou de rage, Ivan Lendl. En 1987, donc suite à ce petit extrait, en 1987, Michael Chang devient le plus jeune joueur à gagner un match lors de l'US Open et le plus jeune joueur à entrer dans le top 200 à 15 ans, 7 mois et 26 jours. Donc ça a été quand même un joueur prodigieux et très très jeune. Le 6 juin 88, il est le plus jeune à rentrer dans le top 100 à 16 ans, 3 mois et 13 jours. Et donc il fait en 89 un extraordinaire parcours lors de Roland-Garros. Et en huitième de finale, il bat Ivan Lendl, à cette époque qui est le numéro 1 mondial. Où lors d'un match totalement épique, il lutte contre des crampes. On le voit souvent remuer un petit peu ses jambes, plier un peu les genoux, se remuer, enfin bouger pour éviter d'être gagné complètement par les crampes et devoir arrêter. Et il a complètement fait craquer psychologiquement Lendl, notamment avec son fameux service à la cuillère dans le cinquième set à 4-3. Il remporte le jeu et dans le suivant à 5-3, l'Américain se procure une balle de match. Lendl est au service. Il rate sa première balle. Et alors, Chang va se placer à la limite du carré de service. Du carré de service, quoi. Lendl conteste parce qu'il dit qu'il n'a pas le droit de se mettre là. Il n'a pas le droit de se mettre là. Bon, bah, l'arbitre dit rien parce qu'en fait, il a tout à fait le droit. Il peut se mettre où il veut. Enfin, peut-être pas où il veut, mais en tout cas, il a le droit de se mettre où il est. Et il a été complètement déstabilisé par cette action-là. Bon, il rate sa deuxième balle. Double faute. Et il perd le match. C'est complètement incroyable, il a réussi à bouleverser... Sachant que Lendl, c'était quand même un peu une machine, joueur normalement assez froid et qui ne se laisse pas gagner par l'émotion, rien du tout. Absolument. Et c'est vrai que sur ce match-là, sachant que le service à la cuillère, c'est quand même le service que tu fais quand tu ne sais pas vraiment servir. Voilà, moi c'est quand c'est tu ce débutes le tennis, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que tu te dis, c'est hallucinant de faire ça en huitième de finale sur le court central de Roland-Garros. Ah oui, non, c'est face au numéro 1 mondial, non, c'est vraiment incroyable. Mais bon... On a l'impression que c'est une finale parce que finalement Chang va quand même remporter par la suite la finale contre Stefan Edberg et il a été à la suite de cette victoire le plus jeune vainqueur du tournoi parisien, donc à l'âge de 17 ans 3 mois. Ça c'était pour son fait d'armes que l'histoire retient, oui. Mais moi ce que je retiens de Michael Chang hormis ça, oui. C'est quand même qu'après, donc étant très jeune, on l'a suivi pendant des années, oui. Des années après. Et ces matchs étaient mais des marathons à chaque fois. Ça durait. Et c'était pénible. Et c'était long. Et c'était saoulant. Et en fait, on a eu un équivalent, nous, dans le plateau des joueurs français. C'était Fabrice Santoro, un peu. Tu vois. C'est-à-dire que c'était le gars qui... Ouais, des joueurs de fond de cours, en fait, qui renvoyaient tout. Qui renvoient tout. Ça dure 3 heures, 4 heures. Ouais. Oh là là là là. Donc c'est vrai qu'on retient le service à la cuillère, mais globalement... c'était long quand même. J'avoue que c'était pas le joueur le plus spectaculaire. Ouais. Par exemple, Stefan Edberg, qui était un joueur de service volé, qui était beaucoup plus en explosivité, c'était quand même plus joli à voir qu'un Michael Chang qui te renvoie tout et qui te fait traîner les échanges. Enfin bon, bref. Ouais, bah, y a eu une époque quand même où il y avait beaucoup de joueurs de fond de court comme ça qui se renvoyaient la balle. Des défenseurs. Des... Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Je suis pas trop trop. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs de fond de cours. Quand tu prends le top 3, les Djokovic, les Federer et les Nadal, on va dire, c'est quand même moins des jeux de fond de cours, quoi. En fait, c'est assez mixte maintenant le tennis. C'est-à-dire que tu n'arrives plus vraiment à dire, bon, lui, il est vraiment fond de cours, lui, il est attaquant en service volé. Les joueurs savent vraiment tout faire. D'accord. Et il n'y a plus de spécialistes, on va dire. Mm-hmm. Okay. Et puis, c'est tous des gros serveurs, je crois, quand même. Ah, bah ça, oui. Enfin, le plus gros serveur restant quand même Goran Ivanisevic, qui était très grand et qui avait un service qui tombait lourdement sur le carré et qui lui permettait de gagner énormément de matchs uniquement avec son nombre de premières balles. Dace et de premières balles, quoi. Voilà. D'accord. Ah là là là là, le score reste nul et nous allons devoir partir sur des prolongations, mon cher Sirf. Après cette deuxième mi-temps éreintante et ces événements marquants tous plus forts les uns que les autres, nous attaquerons la prochaine fois les grands sportifs de cette chère décennie. Nous vous laissons donc sur ce teaser et on se retrouve très prochainement pour les prolongations. Tout à fait, Yetcha, et je me demande vraiment si les organismes vont supporter ce nouveau temps de jeu que nous allons leur imposer, mais bon, en tout cas, c'est un plaisir de se retrouver pour un nouveau numéro à tes côtés pour ces prolongations. À très bientôt, ciao. Merci beaucoup, Sirf, et à très bientôt, salut. De concurrents. Il y a l'adversaire qui est dans une autre équipe et il y a le coéquipier qui est aussi lui un concurrent. C'est souvent celui-là le plus redoutable car c'est la seule, c'est les talents. That was a body shot that took him down. Here comes Mike Spikes in. He leaves with the right hand. Down he goes. I don't think you'll get up from this. Mike Spikes is laying flat on his back. The count is up to 5. It's 6. It's 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Spikes almost fell back throw. A dramatic first round knockout for Mike Tyson. Unbelievable strike. It came in the first round.